important aussi, c'est de voir comment on peut penser les phénomènes de cognition sociale hors d'un cadre cognitiviste. Mais ça, j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc, je vais faire une petite première partie sur justement mes travaux antérieurs et la manière dont ça mène à ces nouvelles préoccupations de recherche. Donc, mes intérêts généraux, disons, portent sur les liens sociaux qui unissent les hommes et les animaux, et en particulier, même plus spécifiquement, sur les mécanismes interactionnels qui fondent cette socialité. Et donc, cette idée de mécanisme interactionnel, elle m'intéresse parce qu'elle est susceptible de recevoir un traitement qui est à la fois sociologique, dans une logique de sociologie interactionniste, ou de linguistique interactionniste, ce qui était un peu mon option pendant la thèse, ou bien elle est susceptible de recevoir un traitement aussi plus biologisant, avec la question des interactions entre un organisme et son milieu. Donc, cette question des mécanismes interactionnels m'intéresse à ce titre-là. Donc, dans mon travail de thèse, en fait, ce qui m'intéressait, c'était de montrer qu'il y avait des formes d'ordre, enfin, ce que j'ai qualifié d'ordre social entre chien-guide et éducateur canin, ou entre chien-guide et propriétaire non-voyant, et que ces phénomènes d'ordre social passaient par des phénomènes d'ajustement, des mécanismes interactionnels d'ajustement. Et donc, ce qui m'intéressait de voir, c'était dans quelle mesure la littérature interactionniste qui avait justement pu montrer que des phénomènes d'ajustement entre individus fondaient en quelque sorte le social, c'est ce qu'on peut voir chez Simmel, chez Mead, chez Margaret Gilbert, etc. Qu'est-ce que ça donnait à l'épreuve des interactions homme-chien ? C'est-à-dire dans quelle mesure ces phénomènes d'ajustement ici pouvaient rendre compte de phénomènes de socialité, même minimaux. Donc en creux, c'était une réflexion sur le faire société aussi, c'est-à-dire comment, quelles sont les modalités pratiques de cette socialité et comment peut-on la décrire. Et est-ce que la sociologie est en mesure de prendre en charge ce genre d'objet ? Enfin, le peut-elle ou le doit-elle d'ailleurs ? Donc ces questions-là, elles rendent nécessaire un certain nombre de distinctions. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question du pas qu'il y a à franchir entre l'évidence de formes de socialité interactionnelle d'une part et le faire société d'autre part. Enfin, il me semble qu'il y a un spectre là qui n'a rien d'évident, en fait, qu'il faut interroger. Et à une échelle plus micro, qu'est-ce qui fait... Enfin, ça, c'est la question qui m'anime, je pense, le plus. C'est qu'est-ce qui fait d'une interaction qu'elle est sociale ? C'est-à-dire ce qui distingue une interaction d'une interaction sociale. Et à ce titre, les interactions homme-animal, je pense, apportent un biais intéressant pour aborder cette question. Et donc, plus schématiquement, est-ce qu'on peut appeler tout phénomène dans lequel se déploient des pratiques collectives ordonnées des phénomènes sociaux ? Alors, c'est des questions qui sont venues à moi aussi parce que j'ai fait ma thèse dans le cadre dans un cadre théorique qui est celui de l'ethnométhodologie, donc c'est des questions qui se posent aussi dans ce cadre-là, mais bon, qui continuent, je pense, à se poser, et en particulier avec ce genre de terrain. Alors, comme je disais, c'est des questions qui ne vont pas de soi quand... on prend les interactions animales comme objet, puisque l'animal porte en lui un certain nombre d'interrogations quant à ses compétences cognitives, quant à sa capacité à posséder ou non la théorie de l'esprit, etc. Donc ça réinterroge encore davantage ces histoires de liens sociaux. Et relativement à cette question, deux attitudes donc semblent s'affronter. Une qu'on pourrait dire behavioriste, c'est-à-dire très schématiquement l'idée qu'il n'y a pas besoin d'imputer des capacités de raisonnement à un animal, ou ni des émotions, et qu'un schéma stimulus-réponse strict peut suffire à expliquer ses comportements, enfin, ses actions. Et donc, de l'autre, un schéma mentaliste, où on se pose la question de savoir si l'animal parvient à attribuer des intentions à autrui, s'il parvient à communiquer les siennes, bref, s'il possède la théorie de l'esprit. Donc, on a là une partition qui tient aussi à la naissance du behaviorisme comme discipline. Et donc, là, je ne sais pas dans quelle mesure c'est pertinent ou utile pour vous, mais je me proposais de faire une brève généalogie du behaviorisme. Peut-être que c'est inutile. Enfin, rapide, je pense que ce n'est pas forcément le cœur de votre... Non, ce n'est pas le cœur, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Bon, c'est le point stratégique, après, éventuellement pour la discussion. Oui. Ouais. Et puis ça peut être intéressant par rapport aux extraits que je montrerai tout à l'heure, où justement, il y a des effets de dialogue en fait entre ce que font les éducateurs canins et la manière dont la discipline a émergé. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que on a coutume de considérer que le behaviorisme comme courant a émergé à la fin du 19e, dans une opposition assez frontale avec les sciences de l'esprit de l'époque. Et donc c'est l'idée qu'on doit pouvoir expliquer la formation et le maintien des comportements des individus sans avoir besoin de convoquer des états mentaux. Donc intuitivement, quand on pense au behaviorisme, on pense à Pavlov, avec ses expériences sur les chiens et la mise en évidence de l'existence de réflexes conditionnés. Pavlov, j'en parle très très rapidement parce que c'est pas lui qui a fondé le behaviorisme. C'est-à-dire que l'appareil analytique behavioriste se construit sur la notion de réflexe conditionné, mais c'était pas son intérêt de prime abord. En fait, c'était un médecin qui était intéressé par l'activité du cortex cérébral, par les sécrétions hormonales, pas du tout par des questions de psychologie en fait. Donc cette expérience de Pavlov, je pense que tout le monde la connaît. C'est-à-dire on donne de la nourriture à un chien, il a un réflexe naturel qui est un réflexe de salivation. En revanche, si on fait un stimulus neutre, type une clochette, si on veut faire un stimulus auditif ou un stimulus visuel, ça ne provoque pas de réaction chez le chien. Quand on associe la clochette avec la nourriture, il se met à saliver, si bien qu'à terme, la simple clochette suffira à le faire saliver. Et donc ce que montre Pavlov, c'est qu'on peut donc créer des réflexes, et c'est ce qu'il appelle donc les réflexes conditionnés. Mais donc une fois de plus, Pavlov, lui, c'est vraiment l'aspect physiologique qui l'intéresse, pas du tout l'aspect psychologique. L'introduction des problématiques qui sont propres à l'apprentissage, en fait, va surtout être le fait de trois psychologues, beaucoup d'autres, mais disons qu'on peut en retenir trois, en particulier John Watson, qui donc, en 1913, a fait un manifeste, on pourrait dire, qui s'appelle « Psychology as the behaviorist views it », et qui est dans lequel il énonce que le behaviorisme doit être la nouvelle forme qu'adopte la psychologie, et qu'à ce titre, ça doit être une science positive, expérimentale, donc c'est le sens de la citation que je vous ai mise ici, qui est une des premières phrases de son manifeste. Et donc, en fait, c'est vraiment l'idée de distinguer à cette époque la psychologie behavioriste des sciences de l'esprit, auxquelles la psychologie se rapportait pourtant, et d'en faire une discipline positive, expérimentale. Et c'est pour ça que c'est important que Pavlov soit médecin, parce qu'il y avait une assise naturaliste très forte à ça. Autre nom assez important, c'est Edward Sondike, donc qui a lui théorisé les effets de les pardon les le conditionnement opérant et la loi de l'effet. Donc Sondike, son expérience principale, c'est de mettre un chat dans une boîte une cage en bois avec un levier et la nourriture à l'extérieur de la boîte. Et puis, le chat essaye différentes stratégies, il se couche, il renifle le sol, etc. À un moment, il actionne le levier, et ça le fait sortir, et il a accès à la nourriture. Et donc, Sondike nous dit, ici, il n'y a pas du tout d'inférence ou de raisonnement chez le chat, simplement un hasard qui a fait que parmi toutes les actions qu'il a pu réaliser, il y a eu celle d'actionner le levier, et ce hasard le conduit à la nourriture, donc est renforcé. Si bien que si on remet le chat dans cette boîte à nouveau, il ira d'autant plus vite pour aller actionner le levier et aller avoir accès à la nourriture. Mais, nous dit Sondike, il n'est absolument pas question ici de raisonnement ou d'inférence de la part du chat. C'est juste un hasard qui se solde positivement et donc qui est renforcé. Donc c'est ce qu'il appelle la loi de l'effet, c'est cette idée de renforcement. Et donc ensuite, ça va se stabiliser dans l'apprentissage par la répétition, en fait. Donc vous voyez comment on peut se passer, en fait, complètement de questions de délibération, d'inférence, de raisonnement, simplement en imaginant qu'un hasard peut être renforcé, quoi. Et donc Skinner s'appuie aussi sur ces expériences-là pour remettre en place, pour raffiner un peu le processus avec la Skinner Box, qu'on voit là. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est plus simplement la nourriture à l'extérieur, la nourriture est à l'intérieur, donc pour faire tous les types de renforcement positif. mais aussi pour envisager des formes de renforcement négatif, on électrifie le plancher, si bien que donc on peut, donc, je dis n'importe quoi, la lumière crée un stimulus visuel, on attend du rat qu'il tourne sur lui-même. S'il le fait, la nourriture est distribuée, s'il ne le fait pas, il se prend un choc électrique. Et donc, comme ça, on arrive à faire des phénomènes de renforcement positif ou négatif. Donc, vous voyez bien comment ce courant a pu, dans le cours du XXe siècle, donner naissance à un certain nombre de dérives, notamment parce que des expériences de cette nature-là ont été faites avec des jeunes enfants, avec des bébés, bah, notamment avec la fille de Skinner lui-même, qui était dans une boîte, etc. Elle a écrit par la suite des articles disant qu'elle n'avait pas été traumatisée. Il disait justement qu'elle était bien parce que dans les années 50, elle était au chaud dans sa boîte, il n'y avait pas de chauffage dans les maisons et elle était très bien là où elle était. Et puis bon, avec des malades mentaux, etc. Enfin, c'est des expériences qui ont été faites, qui ont pu donner lieu à des dérives. En fait, ne pas prendre en compte les états mentaux et en particulier les états émotionnels, ça a contribué aussi amplement à, disons, à accentuer la distinction entre le behaviorisme et l'attitude mentaliste, quoi. Mais bon, ça a aussi donné naissance à un certain nombre de théories de l'apprentissage, et en particulier dans l'éducation canine, enfin, en fait, dans le dressage des animaux en général, et dans l'éducation canine en particulier. Et une des méthodes qui est née de ça, c'est le clicker training. Donc je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, je suppose que non, c'est pas très répandu. Donc c'est pour le dire en deux mots, mais on aura l'occasion d'y revenir, parce que je vais présenter des extraits qui ont été... filmé pendant un stage de clicker training. C'est donc une technique qui consiste à dresser les chiens avec un petit boîtier qui fait clic. Quand le chien a fait l'action qui était recherchée, on clique et on donne de la nourriture. Et donc on retrouve exactement les phénomènes de réflexe conditionné chez Pavlov. Et donc si bien qu'à force, le chien associe le clic avec la nourriture, après on peut se passer de lui donner de la nourriture parce que le clic suffit à être un renforcement positif pour lui. Bon, en deux mots, parce que je vais y revenir. Donc c'est une technique apparemment qui a été développée au départ pour soigner les dauphins, parce qu'il fallait les mettre sur le ventre pour pouvoir leur soigner les mettre sur le dos pour pouvoir leur soigner le ventre, et donc on n'arrivait pas à obtenir ça autrement qu'en faisant des renforcements positifs, qui ont positivement envie de se mettre sur le dos. Puis maintenant, donc effectivement, c'est une technique qui est utilisée dans le dressage canin. Donc pour résumer sur cette histoire du behaviorisme, en fait, c'est l'idée qu'on peut expliquer l'ontogénèse des comportements et leur reproduction. Par la création de réflexes conditionnés, et donc en faisant l'économie d'une réflexion sur les états mentaux ou émotionnels. Alors, pour en venir un peu au vif du sujet... Excuse-moi, je peux juste te poser une question pour préciser. Quand tu dis que ces auteurs en fait, considèrent que tous les comportements sont réductibles à des réflexes conditionnés, est-ce qu'ils disent tous les comportements ou certains types de comportements? En fait, c'est vraiment pour la question de l'apprentissage. C'est-à-dire, tous les apprentissages, peuvent, peuvent être systématisés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en fait... Mm-hmm. Y compris chez l'homme, d'ailleurs. Parce qu'il y a un phénomène de continuum qui n'est pas du tout remis en question. Bien sûr. Bah dans le manifeste de Watson, il est dit très clairement que l'homme, en tant qu'animal, relève des mêmes mécanismes psychologiques. Donc voilà, ce que je voudrais montrer pourtant, c'est que cette partition qui a l'air un peu trop évidente n'est pas satisfaisante, puisque dans les faits, c'est plutôt un entrelacs de ces différentes attitudes qu'on assiste. Et c'est ce qu'on voit donc tout à la fois chez les acteurs qui revendiquent une attitude behavioriste, mais qui de fait s'appuient sur un éventail de présuppositions mentalistes pour fonder leur action, tout autant que chez les chercheurs qui s'intéressent aux questions de théorie de l'esprit, chez l'animal en l'occurrence, et qui, pour enquêter sur ces questions-là, montrent des protocoles qui reposent sur des mécanismes behavioristes. Donc voilà, c'était le cœur de ma problématique, disons. Alors, je vais vous montrer tout de suite, sans plus attendre, un extrait qui rend visible, en fait, ce paradoxe. Donc, c'est une vidéo qui a été filmée lors d'un stage, justement, de clicker training. Donc, la personne que vous voyez au centre, c'est la formatrice. Et puis, les participants, au fond, sont des propriétaires avec leur chien. Donc, chacun vient avec son chien pour apprendre les rudiments du clicker training. Ici, là, c'est une séquence qui est assez longue et pour laquelle j'ai fait trois très courts extraits. Donc, ça dure quelques secondes. Alors, je vous en dis pas plus. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que la formatrice, quand elle a introduit son stage le matin même, elle a fait un topo d'1 heure environ sur sa méthode, le clicker training, en précisant que ça venait du behaviorisme, en parlant de Skinner, en parlant de Watson, donc en s'inscrivant clairement dans cette filiation-là. Alors, je ne vous en dis pas plus sur ce qui se passe, parce que vous allez vite comprendre, je pense. Alors, par contre, ouais, le son est... Là, c'est deuxième courte séquence. Et troisième courte séquence. Bon, donc du coup, j'imagine que vous avez compris ce dont il était question, c'est-à-dire que il fallait que la chienne se couche, sans pour autant qu'on lui en donne l'ordre. Donc on retrouve un peu les mécanismes qu'il y avait chez Thorndike, c'est-à-dire que c'est le hasard supposé, c'est-à-dire parmi l'ensemble des attitudes qu'elle peut proposer, eh ben, c'est le coucher qui sera sélectionné et qui sera renforcé positivement. En principe, sauf qu'en l'occurrence, je ne sais pas si vous avez noté, au tout début de la vidéo, en fait, elle se penche elle-même. Donc, en fait, le hasard, il est un petit peu induit par un certain nombre d'attitudes corporelles de la formatrice. Ça, c'est le premier petit point. Mais surtout, bon, je ne sais pas si ça vous a sauté aux yeux ou plutôt aux oreilles, je suis désolée, le son n'est pas très bon. Mais c'est vraiment la collusion frappante entre le cadre extrêmement behavioriste de l'exercice. Et la redescription en termes de vocabulaire qu'on est proposé par la formatrice. Elle dit elle réfléchit, c'est ça? Ah, mais elle réfléchit, elle ne sait pas trop, elle vous attend, je ne sais pas ce qu'elle pense, elle vous propose. Bon, je n'ai pas fait le relevé d'occurrence, mais en fait, à chacune des trois séquences, à chaque fois, il est question de ce genre de. Ça pourrait simplement être le fait que nous, on décrit le comportement que nous éprouvons souvent en disant notre propre façon de penser. Qui ne veut pas dire que la dame pense que le chien est en train de développer une croyance, et je pense que c'est une croyance. Non, alors évidemment, je pense que... Ça peut être... Et si c'est le cas, il n'y a pas de paradoxe. Non, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de paradoxe. Mais ce qui est intéressant, pour autant, c'est la posture qu'elle choisit d'adopter sur un plan, même sur le plan de son exposition théorique à elle, c'est-à-dire de se situer sur le pan du behaviorisme. Alors, elle pourrait aussi assumer qu'il y a des phénomènes d'attribution d'états mentaux chez le chien, sans dire que le chien pense. C'est-à-dire que là, sa pratique se base quand même sur l'idée que le chien va faire des inférences. Si le chien n'en fait pas, on ne pourra jamais le faire se coucher. Et dans l'idéologie behavioriste, le chat ou le chien ne fait pas d'inférences. Il a des attitudes qui sont, distribuées de manière hasardeuse, et on sélectionne ou est sélectionné. Qu'est-ce qui vous fait dire là-dedans que elle pense que le chien fait des inférences? Qu'est-ce que dans son discours vous fait dire? Alors, dans son discours, rien, parce que ça, c'est pas mon problème. Par contre, dans sa pratique, on va le voir avec l'extrait d'après, justement. Là, c'est juste pour mettre le doigt un peu trivialement sur le paradoxe entre son lexique et son discours théorique. Et je suis d'accord que ça ne va pas très loin en ces termes. Elle dit qu'il en fait quand même. Elle dit qu'il fait. Enfin, si le cas théoriste était suffisant, elle n'aurait pas besoin finalement de décrire les actions. Mais en même temps, souvent, quand même, on sent qu'il y a quand même une forme de limite. Elle a deux publics, la dame. Elle a le public des humains et son chien avec qui elle interagit. Quand elle interagit avec nous, elle utilise ce qu'elle pense être le langage pour traiter le comportement des êtres humains. Sauf qu'elle a fait un exposé behavioriste aux humains le matin. Et en fait, je pense que si elle était behavioriste jusqu'au bout, elle parviendrait pas à faire tout ce qu'elle fait faire au chien. C'est-à-dire que, de manière pratique, là, l'inférence qu'elle fait sur les états mentaux du chien, ils sont efficients parce que le chien finit par se coucher. Je veux dire que si elle était behavioriste, en fait, elle laisserait faire le hasard. Voilà. Et là, on y serait. Le comportement du chien en tournant la tête pour qu'il se tourne aussi et en se baissant. Oui, effectivement. Déjà, dans le fait d'induire chez le chien un comportement qui va être sélectionné, on postule à minima une communication possible. Ouais, c'est une forme de mimétisme, quelque part, dans la posture du corps. Quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce mimétisme-là, il a une fonction, en fait. Ils appellent ça le... Mais ça, tout ça, ça ne dit rien sur le chien lui-même. Ça dit quelque chose sur la dame. Moi, je pense que ça dit sur les deux. Mais ça dit... sur ce que la dame projette dans l'interaction avec son chien. Oui, mais justement, est-ce qu'elle projette tant que ça? Parce que finalement, elle arrive à faire tout ce qu'elle veut avec son chien. Donc... Il faut dire quand même, juste pour la fin d'un processus comme ça, il y avait un chien, parce que j'étais aussi là-bas, ils arrivent à faire des choses au chien, donc c'est plus de la projection, on arrive vers le chien, on lui fait pan, t'es mort, et le chien, il fait comme ça, il s'effondre par terre. Donc il y a quand même des trucs... Enfin, c'est assez étonnant, quoi. Bah justement, l'extrait d'après, je pense, un stade au-dessus en termes d'inférence, etc. Pareil, je vous le repasse. Peut-être celui-là, je vais vous le passer deux fois parce qu'il est court, mais... Alors non, simplement, j'introduis quand même. Donc toujours la formatrice, le chien, la propriétaire en bleu. Et cette fois-ci... Cette fois-ci, l'exercice consiste à faire en sorte que le chien touche la chaise avec son museau. Bon, c'est un chien qui n'a jamais appris à faire ça précédemment. Donc on va essayer de le faire arriver jusqu'à la chaise et toucher la chaise avec son museau. Donc je vous montre l'extrait. Alors il y a des clics un peu autour... Alors, je ne sais pas si... Je vais peut-être le repasser, parce que ce n'est pas évident. En plus, il y a des clics un petit peu partout dans la salle, vu que chacun fait un exercice avec son chien. Je vous le repasse. En gros, elle renforce positivement le fait que le chien ait tourné la tête vers sa propriétaire. Ce qui n'est pas du tout l'objectif, comme elle le dit. L'objectif, c'est la chaise. Mais on va d'abord le mettre sur la voie, en lui faisant comprendre que c'est la tête qu'il s'agit de bouger. Et puis après, il finira par la bouger côté chaise. Et puis après, on le mettra sur la voie en lui disant qu'il fallait toucher la chaise. Ça, c'est le... C'est pas le fait qu'il saute, c'est la façon dont il fait. C'est la façon dont il saute. Alors, j'ai cliqué la tête qui tourne vers toi, qui n'a rien à voir avec ce là, mais c'est pour lui donner quand même une solution, sinon il pourrait s'énerver. Et c'est surtout, il va comprendre que c'est la tête, donc à un moment, il va la tourner là et il va aussi la tourner là. Donc voilà, là j'ai retranscrit ce qu'elle dit. Donc, j'ai cliqué la tête qui tourne vers toi, ça n'a rien à voir avec l'objectif là, donc la chaise. Mais c'est pour lui donner quand même une solution, sinon il pourrait s'énerver. Et c'est surtout, il va comprendre que c'est la tête, donc à un moment il va la tourner là, et il va aussi la tourner là. Donc là, du coup, je pense qu'en termes... Il y a quand même des degrés d'inférence qui sont assez complexes, qui sont attendus ici. C'est-à-dire que, il faut, déjà, avant de comprendre ce qui est attendu de lui, il faut qu'il comprenne qu'il y a quelque chose qui est attendu de lui. Donc, qu'il est dans un cadre, qui est le cadre du clicker training, ou en tout cas sans même rentrer dans des débats wittgensteiniens pour savoir si effectivement il possède le langage, et c'est même pas la question, c'est qu'il faut qu'il comprenne qu'interactionnellement il est engagé dans un cadre de participation et qu'on attend des choses de lui. Après il va falloir qu'il comprenne que c'est la tête, que c'est pas la tête à gauche mais la tête à droite, et que c'est pas la tête à droite mais la tête sur la chaise. Donc ici, il me semble que quand même des postulats de type, qui sont ceux mobilisés dans les questions de théorie de l'esprit, rentrent en ligne de compte, alors même qu'on est dans un cadre extrêmement behavioriste. Je ne sais plus, je crois que j'ai oublié de dire quelque chose. Et donc, en fait, les modalités d'apprentissage ici, c'est un petit peu sous la forme du « tu chauffes, tu brûles ». Je ne sais pas si vous voyez un peu le genre de... C'est-à-dire que, en fait, le clic ne sert pas tellement à sanctionner une action réalisée, mais à donner une indication vers la trajectoire d'action supposée et attendue. Donc, c'est quand même un petit peu plus complexe que simplement bien mal, quoi. C'est un peu plus complexe que le plancher électrifié et la distribution de nourriture. Et du coup, ça peut aussi conduire à former des comportements plus complexes. Alors, j'ai un troisième extrait de la même nature, en fait, et qui peut-être formulera une forme de réponse à la question qu'on se posait tout à l'heure. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous montre le cadre de pensée de la formatrice ? En fait, il n'y aura évidemment pas de réponse à ça. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est comment la cognition se déploie dans ces interactions-là. Et donc, je vous montre cet extrait-là. Alors, même protocole, en fait, il faudrait que la chienne, qui est une autre chienne, là, touche la chaise avec son museau. Oula, pardon. Voilà, donc en fait, finalement, la question de savoir si le chien a compris ou si la formatrice pense que le chien a compris, trouve sa résolution dans le fait qu'il y a un consensus public sur ce qu'est pratiquement que la compréhension. C'est-à-dire qu'elle a compris, c'est-à-dire elle impute des états mentaux ou non, peu importe, le fait est qu'on va pouvoir passer à l'exercice suivant. C'est-à-dire de manière pratique, la compréhension, elle a ce sens-là dans l'apprentissage. On va pouvoir construire l'exercice suivant ou poursuivre l'action. Et il me semble que, ici, il n'est pas question de processus interne complexe. C'est une question que des données comme ça ne permettent pas de trancher. En revanche, de dire que la compréhension est un processus publiquement visible et descriptible, ça me semble, en tout cas ici, assez visible. Je ne sais pas, ça n'a pas l'air d'être convaincant pour tout le monde. Il faudrait savoir, selon vous, quel type de langage elle devrait utiliser dans cette situation pour décrire ce qui se passe, pour être cohérente avec le cadre de pensée qui la motive dans son apprentissage. Mais en fait, précisément, pour moi, ça ne me dérange pas du tout que ce soit une boîte noire, les questions de quel est son cadre de pensée ou quelle est son optique personnelle sur la question du dressage canin. C'est peu importe, en fait. Et ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit strictement incohérente, en plus, cette pensée sur... C'est que vous utilisez le langage qu'elle utilise pour inférer ce qu'elle pense véritablement. Ah non, ça, non, non. Ce qu'elle pense véritablement, ce n'est pas mon problème. Et alors, il n'y a pas de problème. Ben non, il n'y a pas de... Enfin, en tout quoi, cas... C'est quoi votre problème? Mais... C'est un peu la question. Non, mais j'ai pas de problème non plus. Non, hein, non, mais... Qu'est-ce que vous voulez montrer, en fait? Non, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est de dire que le behaviorisme s'est fondé par distinction avec les postulats mentalistes et qu'en réalité, ce qu'on constate, c'est que, ces deux attitudes-là ne sont pas si... ne sont pas dans un rapport de dichotomie. C'est pas aussi dichotomique. Exactement. C'est-à-dire qu'un cadre behaviorisme ne peut pas faire l'économie d'une forme de mentalisme. Je pense. Ouais. Et à l'inverse. Dans la pratique, dans la situation d'interaction. Ouais, je pense. Vous ne pouvez pas le montrer avec ces données-là. Ce que vous avez, c'est juste le discours de la dame sur la façon dont elle s'exprime. Non, il n'y a pas que le discours. Là, il y a aussi toute l'action avec ce que fait de fait le chien, qu'on ne peut pas laisser de côté. Et oui, mais le chien, il... Mais le chien, moi je le trouve assez behavioriste, le chien, là, non? Bah, parce l'ambiguïté, en fait, l'ambiguïté, c'est de savoir ce qu'il faut interpréter à partir de la phrase « elle a compris ». C'est-à-dire, qu'est-ce que met la formatrice dans cette notion-là? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a compris qu'il fallait jouer le jeu du behaviorisme? Est-ce que le chien... comprend la logique du behaviorisme respecte cette logique, ou si elle impute autre chose que simplement le fait de mettre en route la logique du behaviorisme. Alors, selon un cas ou l'autre, en fait, ça rentre en contradiction ou pas? Ça peut être un élément de contradiction ou pas? Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, là, on est en train de rejouer exactement les débats en théorie de l'esprit, notamment chez Carothers. Dont la question est de savoir est-ce que ce sont pas les animaux qui sont eux-mêmes behavioristes et auquel cas on adopte à partir du moment où on se met à postuler des états mentaux, je pense que c'est un débat sans fin de toute façon, et c'est la raison pour laquelle Non, mais d'un point de vue méthodologique, Jean-Luc a quand même raison de dire qu'il y a, d'un point de vue de l'interprétation, c'est vrai que ça pose un problème de savoir en gros ce... On voit bien qu'il y a une sorte d'énoncé mentaliste qui relève un petit peu du sens commun et de connaissance ordinaire sur les animaux auxquels on impute plein de choses. Pour autant, il n'est pas évident que cette personne se projette dans le sens ordinaire et fasse un usage ordinaire de sens commun. Bah, je pense qu'au-delà du relevé de termes, je ne sais pas ce que tu en penses, Dominique, toi qui as assisté au stage aussi, mais je pense que de la part de la formatrice, elle croit positivement que le chien fait des inférences, et c'est la raison pour laquelle elle arrive à leur faire tant de choses, quoi. C'est que si le chien faisait pas minimalement des inférences assez complexes de nature, et on va tourner la tête à gauche, donc il va comprendre que c'est la tête et il va pouvoir la tourner à droite, elle obtiendrait... Dans sa pratique, elle a besoin d'avoir les deux composantes, quoi. Ouais, je pense. Pour pouvoir, elle n'est pas cohérente d'un point de vue théorique, mais en pratique, ça marche. Je ne sais pas si c'est de l'incohérence, parce qu'il y a un côté pratique, il y a un côté... il faut avoir vu l'exposé le matin, quoi, qui est vraiment totalement behavioriste. Et puis, même temps, peut-être dans ses gestes et ce qui se passe, après tout, c'est peut-être très behavioriste. C'est un descriptif de l'extérieur en termes behavioriste. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là, comme dans d'autres, il semblerait que, quel que soit le discours, enfin, en tout cas, on peut dire ça si on veut prendre... théoriser un peu la chose, quel que soit le discours que les gens auxquels adhèrent sur leur pratique, après en pratique, il y a toujours un mélange de choses, parce que c'est vrai aussi dans l'autre sens, quoi. Une pratique non behavioriste, y compris avec les humains d'ailleurs, mais avec les animaux, est rarement observable ou possible, quoi. Pour revenir à ce que tu disais, je pense pas qu'elle, mais bon, évidemment, faudrait discuter plus longuement et voir d'autres extraits, qu'elle dit ça juste parce que c'est des humains et que c'est leur langage que les humains comprennent entre eux. Parce que c'est ce que tu disais au début. Parce qu'autrement, elle n'aurait pas fait l'exposé le matin pour expliquer ce qui se passe dans la tête de l'animal et comment ça marche en termes strictement behavioristes. C'est-à-dire, c'est comme il y avait deux descriptions quand même d'un registre très différent. Une fois qu'elle est avec le chien et une fois que, enfin, sans que le chien soit là. Mais c'est ça que la question quand même reste, de savoir finalement qu'est-ce que serait un discours strictement behavioriste, comment est-ce qu'elle devrait se comporter pour décrire. Enfin, c'est pas compliqué, paradoxal. Je pense que c'est pas compliqué. Il faudrait qu'il y ait une... Bah là, il a... Bah, il a touché. Le tas de viande devant moi n'est pas renforcé. Ouais, non, mais c'est à mon avis, c'est un pur problème de lexique en fait. Mais quand on lit Pavlov. Alors, bon, Pavlov, c'est un peu différent, mais chez Pavlov, il y a un moment donné où il dit que les chiens n'ont pas été très réceptifs aux expériences parce que cette année-là, à Moscou, il y a eu ou à Saint-Pétersbourg, il y a eu des inondations terribles et que du coup, ça les a perturbés. Sauf qu'évidemment, jamais il dit ça les a perturbés. Il ne joue pas sur le registre émotionnel. Simplement, the side effect of the flood, quoi. Donc, il est possible de tout redécrire, je pense, en minimisant le lexique intentionnaliste. Et en utilisant un lexique mécaniciste à la place. C'est le traducteur. Ouais. C'est ça le problème, c'est que c'est pareil pour le chien de Pavlov. Sinon, on pourrait dire qu'il a très bien compris que quand la clochette allait arriver, la nourriture allait arriver. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire? La production de salive, c'est pas intentionnel, mais bon. La production, ouais, la production de sécrétion hormonale, c'est quand même un stade. Mais, enfin, je suis d'accord pour dire qu'il est. Il est avant tout question de redescription linguistique, en fait. Et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça, en réalité, parce que toute action... ça en dit long sur la conceptualité qu'on a derrière de ce qu'est la socialité entre hommes et animaux. C'est-à-dire que c'est pour ça que je partais du paradoxe de départ, selon lequel on était peut-être un peu intuitivement plutôt behavioriste, parce qu'on a du mal à franchir le pas intentionnaliste, quoi. Parce que c'est matérialiste, en fait. C'est ça, en fait. Mm. C'est l'idée que... pas trop ce que sont les idées, les intentions. Ouais, et que... ouais mais on pourrait avoir la même précaution finalement avec l'attribution d'intention en sociologie, quoi. Et... Ce qui est tangible, c'est le comportement, c'est ce qu'on voit. Ouais. Ben, dans les deux cas, ouais. Oui, mais il y a la même chose en sociologie. Bien sûr, ouais. On commence à vouloir absolument se centrer sur le comportement avec l'idée que les intentions, les raisonnements, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas bien mesurer. Ouais. Ouais, mais avec ce postulat qui est que l'homme posséderait la théorie de l'esprit, alors que l'animal, on n'est pas totalement certain. Et c'est dans ça tombe bien parce que ça fait une transition avec la deuxième partie sur à l'inverse, donc des chercheurs qui appartiennent au champ de la cognition sociale ou de l'éthologie cognitive, donc qui sont intéressés par la question de savoir si les animaux possèdent la théorie de l'esprit ou non, selon diverses modalités, parce qu'évidemment si on les suit, il y a différents stades dans la possession de la théorie de l'esprit, stade 1, stade 2, etc. Et donc, ce que je voulais voir, c'était donc, à ce moment-là, c'est dans ces protocoles expérimentaux-là, comment fait-on, justement, pour parler de l'intentionnalité animale, et comment fait-on pour la mettre au jour? Et c'est ce qu'on va voir, en fait, c'est qu'à l'inverse, eux-mêmes sont obligés d'avoir une attitude behavioriste dans la mise en place de leurs protocoles, et ensuite dans la redescription de leurs résultats. Là, j'ai pris que deux exemples. Il y en a un qui est... on pourrait tous les prendre un par un. C'est, à chaque fois, c'est les mêmes... c'est des paradigmes qui sont appliqués de manière systématique. Le premier, c'est un article sur les chimpanzés de manière conspécifique, c'est-à-dire entre congénères. Et le second, ce sera sur les chiens de manière interspécifique, donc entre hommes et chiens. Donc le premier, c'est un article qui s'intitule « Do chimpanzees know what conspecifics know ?» Donc est-ce que les chimpanzés savent ce que leurs congénères savent? Donc est-ce que les chimpanzés attribuent des intentions à leurs congénères? Est-ce qu'ils parviennent à savoir qu'ils en attribuent, réflexivement, est-ce que leurs congénères savent qu'ils en ont, etc. Et donc pour enquêter sur cette question, en fait, le protocole qui est imaginé, vous le voyez là, c'est qu'on met... un dominant en présence d'un dominé, qu'on a identifié comme tel dans le groupe social qu'il constitue. Et puis on met de la nourriture. Et bon, je simplifie un peu à l'extrême le protocole, il se complexifie, il y a plusieurs tests qui sont faits, etc. Mais en gros, on met de la nourriture donc derrière des petits caches, et on incite le dominé à aller se saisir de la nourriture. Mais l'hypothèse qui est testée, c'est que si le dominant a vu où la nourriture était placée, le subordonné, enfin le dominé restera à sa place, n'ira pas la saisir. En revanche, si on a été mettre la nourriture au moment où le dominant regardait ailleurs, ou au moment où le dominant ne pouvait pas voir, le subordonné va aller chercher la nourriture. Et donc, effectivement, c'est ça le protocole qui est mis en place. Et en effet, bon, les statistiques semblent montrer que quand le dominant a eu soit les yeux cachés, soit regardé ailleurs, le subordonné va chercher la nourriture et donc se sent légitimé à le faire. Conclusion tirée de cette expérimentation, c'est ce que je vous ai mis donc en citation. Les chimpanzés savent ce que leurs congénères ont vu ou n'ont pas vu. Entre parenthèses, ont fait ou n'ont pas fait. Savent ou ne savent pas. Et utilisent cette information donc pour construire des stratégies socio-cognitives. Donc là, il me semble qu'il y a quand même un double glissement en fait. Il y a un glissement à la fois de l'action, enfin du comportement du subordonné vers ce qu'il est supposé avoir vu et du voir vers le savoir. C'est-à-dire effectivement, il peut avoir vu que le subordonné voyait la nourriture, c'est pas pour autant qu'il sait que le subordonné ne sait pas. Enfin, il y a quand même des phénomènes de paliers ici qui sont franchis assez vite, quoi. Donc, en fait, finalement, l'existence d'une forme ou d'une autre de théorie de l'esprit chez les chimpanzés est liée, une fois de plus, ici, aux inférences qu'on fait, nous, humains, entre le monitorage visuel et l'attribution d'intention. Donc, on retrouve, en fait, ce paradoxe inversé. C'est-à-dire que la question du comportement est quand même toujours présente en arrière-fond des protocoles. Et ce qui permet de trancher en dernière instance, ça relève d'arguments ou de manifestations probantes qui sont corporelles, qui sont gestuelles, somatiques. Mais on se passe finalement de spéculations sur les états mentaux pour savoir s'ils en ont. En fait, ce qui est investigué, c'est aussi le présupposé de l'expérience, quoi. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Enfin, y a un phénomène un peu de circularité, en fait, dans ce genre de protocole. Enfin. Donc, comment sait-on si le chimpanzé sait que ses congénères voient ? Ben, en observant s'il va ou non chercher la nourriture, donc en observant un comportement. Et c'est du comportement qu'on infère l'éventualité d'une théorie de l'esprit ou d'un stade de la théorie de l'esprit. De toute façon, on ne pourrait pas faire autrement. On ne peut pas faire des entretiens avec les chimpanzés. Non, mais par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est... Ça s'est fait, hein. Ça s'est fait, avec la langue des signes. Mais non, mais par contre, il me semble, ce qu'on pourrait faire, c'est s'interroger sur, de manière un peu épistémologique, sur ce glissement du comportement au savoir, quoi. C'est-à-dire qu'à mon avis, il est là le problème, et il n'est jamais interrogé dans ces expériences. Alors, autre exemple peut-être beaucoup plus probant, c'est le... Il n'y a pas des expériences où on peut faire des tests sur les parties du cerveau qui sont mobilisées ou des choses comme Alors ça, c'est en neurosciences cognitives, ouais. Neurosciences, mais ça pose un peu le même problème, enfin, si on accepte de poser le problème comme ça, je pense qu'il faut... Ouais. Il faut accepter... Si, c'est fait, ouais. Mais il faut faire la théorie d'esprit, je ne suis pas bien sûr qu'il y ait un endroit... qu'il y a un endroit qui soit marqué. Ouais, parce que d'abord, savoir ce que c'est, clairement, ouais. C'est pas évident. Il n'y a pas le lobe frontal, justement, à l'avant, les fonctions supérieures du cerveau. Mais ce qui est marrant, c'est que ce qui se fait en neurosciences cognitives, en fait, entre rarement en dialogue avec la cognition sociale. Les mentalistes ne sont pas réductionnistes au sens neuronal, non. Justement. Parce que c'est des psychologues, fondamentalement, c'est des psychologues. C'est des psychologues d'une part, et surtout, c'est un attirail analytique qui est hérité de la philosophie de l'esprit, en fait. Donc, c'est des questions d'attribution d'intention, de mind reading, etc., qui sont des problèmes... de la philosophie de l'esprit, et qui viennent pas du tout du même champ que les neurosciences cognitives. Après, ils ont la charge de vous montrer où ça s'implémente, que c'est... D'accord, ça ne les intéresse pas. C'est ni des sociologues, enfin surtout pas des sociologues, et pas des neuroscientifiques. D'accord. Ok. Dernière expérience, je voulais rapidement vous parler. C'est une expérience, toujours pareille, menée pour savoir si les chiens perçoivent le pointage comme étant un signe référentiel. C'est-à-dire, effectivement, ils ne vont pas suivre le doigt, mais ils vont comprendre que le doigt désigne quelque chose qu'ils doivent aller chercher, en l'occurrence ici, de la nourriture. Alors, le, En fait, le pointage, il est utilisé dans énormément d'expériences en éthologie, et en particulier dans des expériences sur la latéralité, justement, là, en neurosciences, sur savoir si les babouins sont droitiers ou gauchers. Alors, est-ce qu'ils vont pointer avec le doigt de la main droite ou avec le doigt de la main gauche? Et ça, c'est des expériences qui sont faites sur les questions d'origine du langage, selon les aires du cerveau, etc. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais là, c'est vraiment sur... la capacité des chiens à interpréter le pointage comme un geste indexical et référentiel. Donc supposément à interpréter les signes communicatifs humains, en fait, c'est ça qu'il y a derrière, quoi. Et donc voilà le protocole tel qu'il est mis en place par une équipe donc à Budapest. Donc une expérimentatrice est face au chien. Deux boîtes sont posées, l'une contient la nourriture, l'autre non, et puis l'une sera, donc celle qui contient la nourriture sera pointée. Au moment où l'expérimentatrice rétracte son geste, seulement à ce moment-là, le chien est amené à aller chercher la nourriture. Donc on voit qu'il y a aussi une forme de mécanisation, enfin de robotisation de l'action, c'est-à-dire que si on postulait vraiment un caractère inférentiel du doigt, peut-être qu'on n'aurait pas besoin de mettre en place un protocole aussi... aussi par étapes, disons. Et donc la personne est statique, elle fait un geste de pointage très net, etc. Donc on ne peut pas s'empêcher de penser que ce qu'il y a dans la supposée compréhension du pointage chez le chien ici, c'est aussi une forme peut-être aussi de conditionnement opérant. C'est-à-dire si à chaque fois qu'il y a un doigt qui se pointe, il y a de la nourriture au bout, ça peut être aussi à l'inverse des phénomènes de conditionnement opérant plutôt que de la compréhension du mécanisme afférentiel communicatif. Apparemment, en Hongrie, ils ne contrôlent pas trop les odeurs, d'ailleurs. Ah ouais, ouais. C'est ce qu'on m'a dit. Parce qu'il y a aussi des expériences où ils mettent de la nourriture dans les deux, en fait, pour que de toute façon l'odeur ne soit pas indicatrice de quoi que ce soit. Mm-hmm. Mais c'est simplement le geste qui est... Ah oui, c'est vrai que les chiens, ça a du flair. Oui. Donc, bon, voilà, j'ai pas fait de terrain là-dessus, c'est vraiment juste à la lecture d'articles scientifiques, ce qui apparaît des protocoles. Il faudrait voir, en fait, c'est ça qui m'intéresserait aussi, c'est de voir concrètement comment ça se passe lors de la réalisation de ces protocoles. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a à peu près le paradoxe inversé qu'on voyait avec le stage de Clicker, c'est-à-dire que c'est des protocoles extrêmement behavioristes qui sont mis... au service d'hypothèses sur la théorie de l'esprit. Mais c'est quand même des données, enfin c'est quand même des cadres qui ne sont pas de même nature. C'est-à-dire que dans un cadre, tu as quand même une situation de training, et là, tu parles de choses qui sont quand même des situations. Donc on ne peut pas les mettre quand même exactement sur le même plan. Non, tout à fait. C'est difficile de faire un rapprochement des deux situations. Non, mais c'est plutôt le paradoxe dans la. On voit la mécanique effectivement qui est croisée. Mais c'est vrai que c'est difficile de mettre sur le même plan une situation de formation et une situation de recherche. Après, moi, y a des situations dans le cadre expérimental où c'est des apprentissages aussi. C'est ça. Ce qui est commun, c'est qu'on veut faire quelque chose au chien. Mais le chien, là, il voit tout de suite. Enfin, ouais, ça marche. Il voit tout de suite que la nourriture est dans le. Ouais. Dans la boîte. Pas les singes, mais les chiens, ça marche. Ouais. Les singes, ça marche pas. C'est pas un apprentissage, ils se trompent pas. Et puis non. Les chiots aussi, ça marche. Les jeunes chiots qui n'ont pas été dressés, ça marche aussi. Il y a plein d'études sur les chiens à cause de ça, parce que les singes n'arrivaient pas à le faire et les chiens arrivent à le faire. Et donc le fait que les chiots arrivent à le faire, ça sert tout un discours sur. En fait, sur la domestication, quoi, sur la sélection et la domestication. Non, moi, j'ai essayé sur des chiens errants, ça ne marche pas du tout. Mais parce que, Dominique, tu n'étais pas statique avec le... Pour des raisons intéressantes, justement, c'était en situation, et les chiens errants, leur problème, la main, c'est que c'est une menace, parce que ça jette des pierres. D'accord. Donc là aussi, il y a un truc, on voit que le chien, ce n'est pas un cadre très, très behavioriste, ça, parce qu'il y a du cadrage, il y a des interactions. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la race de chien qui... Ça ne joue pas tellement. Ça marche un peu moins sur les chiens de fourrière. Il y a des processus. Même nous, on est obligé de le décrire en termes. Si on s'intéresse à la jeunesse du comportement, en termes d'apprentissage, mais en même temps, une fois qu'il est installé, comment il marche, c'est vraiment très. Mais le chien errant marocain est-il le même que le chien errant français? C'est un chien, mais il n'a pas la même culture. Oh là là, t'as dérapé là, attention. Au Maroc, j'ai le droit de dire ça. Voilà, bon, je vais conclure de toute façon. En fait, bon, ce qui Ce qui est frappant dans ce débat, en fait, le débat pourrait, c'est un peu d'ailleurs le sens des interventions, c'est que le débat pourrait paraître oiseux, en fait. On pourrait se dire, mais c'est pas un problème, il n'y a pas... C'est pas un problème de recherche, puisque de toute façon, soit le paradoxe n'en est pas un dans les faits, soit de toute façon, quand on agit avec des chiens et qu'on en rencontre des humains, on est obligé d'avoir une redescription en termes mentalistes, et à l'inverse, il n'y a pas d'autre choix pour investiguer sur les questions de théorie de l'esprit que de mettre les chiens en action, donc voir leur comportement. Mais bon, ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est un débat qui anime beaucoup la... Enfin, aussi bien, ça irrigue, disons, la réflexion aussi bien dans le domaine de l'éthologie. Là, c'est par exemple l'article d'Algier qui s'intéresse à savoir si c'est des mécanismes cognitifs simples ou complexes qui sont appliqués dans le pointage. Donc, est-ce que le chien suit juste le doigt ou est-ce qu'il y a des phénomènes d'attribution d'intention ? Donc, en fait, on retombe encore dans les mêmes problèmes un peu scolastiques, quoi. Je vous ai mis la citation là, qui retrace un peu le questionnement. Et puis, c'est aussi en ces termes qu'est reconvoqué le débat dans la philosophie de l'esprit ou en épistémologie, donc, notamment chez Carruthers, chez Povinelli, etc. Donc, ce débat de mentalisme versus behaviorisme continue en fait à être un problème, en tout cas pour pas mal de chercheurs en philosophie de l'esprit et en éthologie. Est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est une controverse ? Est-ce que c'est... Fondamentalement, c'est comme un truc qui ressort périodiquement ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment animé, mais périodiquement... Là, Métavik, ça prend la forme d'une controverse, et en particulier, là, justement, dans l'ouvrage en 2013, là, c'est au sein d'un même ouvrage, en fait, ils se répondent. Est-ce qu'il y a cette tension dans l'éthologie elle-même, celle qu'on retrouve dans la tête de la formatrice Ouais, et des expérimentateurs et des chercheurs, évidemment, parce que c'est... Et cette analyse de controverse n'a jamais été faite. Enfin, pour la sociologie des sciences, il y a des tas de cas, et il n'y a jamais eu de controverse. Eh bien, pas à ma connaissance. Non, pas à ma connaissance, oui. Ouais. Là, c'est un champ. Ouais. Donc, vous, au fond, votre. Parce que c'est un peu ça la question qu'on se pose, c'est. Je pense au CNRS. C'est très intéressant tout ça, mais donc, vous, c'est quoi, au fond, votre. Projet. Alors, c'est le... Parce que là, vous avez expliqué les termes du droit. Non, mais...